Louis Pergaud, l'assassinat de la vouivre. Lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Le vieux Jean-Claude avait eu son enfance bercée au récit des légendes de la vouivre, en qui il croyait de toutes ses forces et de son âme. Sa grand-mère lui avait affirmé, devant le poêle ronronnant et le chat mystérieux, quand sifflait la bise et tourbillonnait la neige, l'avoir vue de ses propres yeux, les soirs de clair de lune et les nuits d'étoiles, promenée par les prés humides de la Morée, sa sveltesse robuste de serpent ailé. Dans les miroirs des flaques encadrés de prêles, scintillaient les feux de son escarboucle de diamant qu'elle déposait à son côté, avant de se pencher sur la nacre cristalline des ruisseaux, pour s'y désaltérer selon le rite. Et la foi, bu avec les paroles de l'aïeule morte, s'était implanté si profondément en lui que toutes les railleries et les hochements incrédules des fortes têtes n'en avaient jamais eu raison. Ah ! Pouvoir lui ravir l'escarboucle qui eût assuré la fortune et la puissance aux héros de cette fabuleuse aventure. Nul audacieux des temps jadis n'avait osé le faire. La bête l'eût dévoré. Jean-Claude, par ce soir d'automne, revenait du village voisin, où il avait livré à un paysan, cultivateur comme lui, une génisse qu'il lui avait vendue. Ses écus de 5 livres, entassés dans un petit sac à plomb, se froissaient doucement sous la doublure de sa veste et caressaient son oreille de leur bruissement argentin. Il sortit du bois du Chénois, longeant les prés humides des pelouses, où serpentaient des ruisselets grossis par les pluies froides des jours précédents. Les feuilles tombaient des arbres avec des crépitements grêles. Dans l'azur lavé, les étoiles scintillaient et le croissant gonflé d'un premier quartier de lune s'avivait à l'occident. Il allait arriver à la source de la Morée et songeait en lui-même. « Oui, ils l'ont vue jadis, et elle existe toujours, bien sûr. Mais elle se cache, car elle sait que les hommes ont maintenant des fusils, qu'ils ne craignent plus ni Dieu ni diable, et que sa force et son agilité n'auraient raison de leur adresse et de leur avarice. » Ah ! Lui ravir l'escarboucle ! Voilà pourtant les lieux qu'elle hantait jadis. Elle a rôdé sous ses saules. Elle s'est mirée à ce ruisseau, et elle y revient sans doute encore de temps à autre, par les nuits sombres et les bises d'hiver. C'était son endroit favori. La mémé m'attendit qu'elle préférait notre Morée aux étangs croupissants de Chambotte et à la rivière de Brémondan. Mais... Et Jean-Claude sentit ses jambes s'amollir et flageoler sous lui. Derrière le premier rideau de saule, que les rayons de lune trouaient de leurs cristaux d'argent, un objet énorme, comme un diamant fantastique, scintillait, jetait tout alentour des feux blancs éblouissants. Et il lui sembla que quelque chose avait craqué par derrière. « C'est elle, mon Dieu !» pensa Jean-Claude. 500 mètres à peine le séparaient du village. Il le franchit en 5 minutes et vint pousser violemment lui du grand Baptiste, chez qui les amis s'étaient rassemblés pour la première veillée. « La vouivre » cria-t-il. « J'ai vu la vouivre !» Tous le fixèrent avec des yeux ronds. Mais la foi débordait des yeux de Jean-Claude. Il n'eut pas de peine à les convaincre et à briser le léger vernis d'incrédulité vantarde derrière lequel voulaient s'abriter leur ignorance naïve et leur candeur puérile. Pourquoi pas, après tout, on voit tant de choses si bizarres et plus incompréhensibles. Mais Jean-Claude poursuivit. Nous allons prendre des fusils et la cerner. Nous la tuerons et son escarboucle nous fera tous riches. Personne ne discuta. Un rêve de lucre plana sur l'assemblée. 2 minutes après, les tricots boutonnés, les gros brodequins lacés, ils étaient prêts à partir, le fusil à la main. Le plan d'attaque était simple. On allait remonter la Morée en profitant de l'abri des buissons, s'espacer à gauche pour lui couper la retraite sur le bois de Valrimont et se rabattre en demi-cercle vers l'endroit désigné par Jean-Claude. Il n'y aurait de libre que l'espace découvert, assez restreint, du couchant, par où, si elle voulait fuir, on pourrait l'attirer avec des chances de l'atteindre. Narcisse, le chasseur, un des meilleurs fusils du canton, tirerait le premier. Dévalant la combe des prés, les tirailleurs, en grand silence, s'égayèrent sous le clair de lune. Sans bruit, au centre, Jean-Claude rampait près de Narcisse. Ils allaient lentement, comme englués dans la brume. À côté d'eux, le ruisseau chantait sur les graviers, élevant la voix au tournant, comme pour appeler les petits flots retardataires qui musaient aux berges. La nuit était limpide et le croissant de lune brillait clair dans l'azur noirci. À 40 pas de l'endroit où il avait vu la bête 10 minutes auparavant, Jean-Claude serra le bras de Narcisse, murmurant d'une voix basse comme le souffle d'un mourant. « La vois-tu, là-bas, derrière ?» Narcisse pencha la tête en avant, les sourcils froncés, les yeux fixes, sa longue barbe noire, raide, comme figée. C'était vrai, là-bas quelque chose brillait intensément, et cette clarté mystérieuse ne pouvait provenir que d'une source naturelle de lumière. Vers la gauche, une branche craqua, les autres étaient proches. « Attention, elle voit se sauver, vois, ça remue !» bredouilla Jean-Claude. Le profil de bouc de Narcisse s'inclina sur le canon du Le Faucheux à deux coups chargé de chevrotines. Une détonation formidable fit tressauter la nuit, et il y eut comme un bond désespéré à côté de l'escarboucle, qui sembla pâlir un peu. Au même moment, une rafale de coups de feu ravagea le silence. Les autres tiraient aussi. « En avant !» rugit Narcisse, qui avait remplacé sa cartouche vide. « En avant !» rugirent les autres en formidable écho. Malgré l'enthousiasme de leurs cris, pas un n'apparut, et Narcisse avança seul, très prudemment d'ailleurs, le fusil à l'épaule, prêt à faire feu. Jean-Claude, à 3 pas derrière lui, tremblait d'émotion et de peur. Le vieux chasseur arriva sur le lieu du massacre. Un éclat de rire homérique le secoua de la tête aux pieds. À côté d'un fond de bouteille cassée en 1000 morceaux et qui scintillait à la lune, un grand lièvre, criblé de plomb, gisait, saignant, les membres cassés, la tête trouée, les tripes hors du ventre. Rassurés par le rire de Narcisse, les autres surgirent enfin lentement des buissons voisins et s'approchèrent à leur tour. Un peu honteux de s'être laissé prendre au mirage facile du rêve de Lucre et à la fascination de la légende ancienne, ils essayaient de s'excuser, alléguant leur incrédulité intérieure et leur passé de gens à qui on ne la fait pas. « Tout de même, trancha Narcisse, on fera bien de n'en rien dire, les gens des alentours se ficheraient de nous. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de manger l'oreillard. » Comme les émotions de cette nocturne équipée avaient affamé les traqueurs, ce fut ce même soir qu'on leva le cuir du lièvre et qu'on le mit à la casserole. Jean-Claude fut condamné à fournir la sauce et à payer 4 litres au lieu de 2 pour apprendre à vouloir en compter aux camarades et aussi pour arroser le bon marché qu'ils avaient fait en vendant sa génisse. Et voilà pourquoi maintenant les gens de Bémont-en-Comté, quand on leur parle de la Vouivre, hochent la tête et clignent de l'œil d'un air entendu et un peu narquois en vous disant « La Vouivre, il y a beau temps qu'on l'a tuée !»